بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لا يزال الكلام حول حديث إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. Et donc nous allons continuer l'explication du hadith. Certes, ma communauté seront appelés au jour de la résurrection. Ghurran muhajjalin. On avait dit, c'est-à-dire avec le visage, les mains et les pieds contenant, excusez-moi, une blancheur et une lumière par cause des ablutions. Alors celui d'entre vous qui a la capacité de rallonger ce membre qui sera blanchi et éclairé, alors qu'il le fasse. وقد سبق أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يغسل اليدين حتى كاد يبلغ المنكبين والرجلين حتى رفع إلى الساقين. Et certes, on a vu précédemment hier que Abu Huraira radhiyallahu anhu, il faisait ses ablutions, il lavait ses mains et prolongeait jusqu'à parvenir presque jusqu'à l'épaule. Et il lavait ses pieds jusqu'à relever jusqu'aux jambes. Et donc, ça c'était une méthode, ça c'était ce que faisait Abu Huraira radhiyallahu anhu. Wa kana yastadillu bi hadha al-hadith. Et il s'appuyait sur ce hadith qu'on vient de citer. Il se basait sur ce hadith pour faire donc cet acte. لكن يعلم أن الكلام المذكور في آخر الحديث فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل حكم العلماء عليه بالإدراج وأنه من كلام أبي هريرة. Cependant, il est bien de savoir avant toute chose, avant qu'on commence à aborder déjà la divergence des fuqaha concernant la compréhension de ce hadith, il est déjà important de savoir que la parole qui est citée à la fin du hadith, lorsqu'il dit « Man istata'a minkum », celui d'entre vous qui a la capacité de prolonger, de rallonger, alors qu'il le fasse. Et donc, ici, cette parole, les savants, ils ont dit que ce n'est pas la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Al-idraj, savez-vous ce que c'est que l'idraj ? Dans le sens du hadith. Ici, on a un très bel exemple. Abu Huraira radhiyallahu anhu qui nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ma communauté sera appelée au jour du jugement, ghurran muhajjalin, avec une blancheur et une lumière au visage et aux membres. Ensuite, le hadith, il s'arrête là. La parole du prophète, elle s'arrête là. Mais le rapporteur, le narrateur, que ce soit le compagnon ou un autre, il se peut qu'il mette un commentaire. Il met un commentaire après. Et ceux qui vont entendre le hadith après vont croire que ça fait partie de la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais ça n'en fait pas partie. Comme on a ici. Donc la première partie, toute ma communauté, ils seront appelés au jour du jugement avec une blancheur au visage et aux membres. Celui d'entre vous qui en a la capacité, toute cette parole-là, ce n'est pas la parole du prophète. C'est la parole de Abu Huraira radiyallahu anhu. Comme l'a dit Cheikhul Islam ibn Taymiyyah, ibn al-Qayyim et aussi Al-Albani rahimallahu al-jami'. Wa dhalika li anna. Naam. Wa dhalika li anna al-rawi alladhi naqala هذه الزيادة عن أبي هريرة رضي الله عنه راوي واحد. Et cela parce qu'il y a un seul rapporteur qui a cité cette information, cette ziyada, ce rajout dans le hadith de Abi Huraira. Est-ce que vous comprenez et est-ce que cette parole vous rappelle quelque chose qu'on a déjà vu dans le cours concernant, on avait abordé un sujet de l'isnad. Je vous avais donné un exemple concret. J'avais dit, ah oui, il se peut que je vous dise Bon, les frères, aujourd'hui, j'ai enregistré le cours avec mon appareil. Tous ici présents, vous allez sortir. On vous demande alors, le cours a été enregistré? Oui, Abdelkarim, il a dit qu'il a enregistré le cours avec son appareil. C'est bon. Et il y en a un, on va dire c'est Nabil, il va dire Abdelkarim, il a enregistré le cours avec son appareil et avec son téléphone. Quel est le jugement de cette parole de Nabil? On va dire quoi? On va dire qu'il y a un problème. Comment ça se fait que tous ceux-là, ils n'ont pas entendu ça? Mais que lui, tout seul, il l'a entendu. Et donc, ici, le rapporteur qui a cité ce rajout concernant ce hadith, il est seul. Il est seul à avoir cité ce rajout. Et en plus de ça, il y a une version du hadith dans le Mousnad de l'imam Ahmed, dans laquelle il dit « La adri » Dans une autre version, il cite le hadith, il cite la parole, et ensuite, après cela, il dit, je ne sais pas si c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou la parole de Abu Huraira. Et donc, khulasa, pour résumer, ou du moins conclusion, la parole qu'il y a à la fin du hadith n'est pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? C'est important d'expliquer ça. Pourquoi c'est important d'expliquer ça? Parce que ce serait la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous les rapporteurs ils l'ont rapporté. Non? Si c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça implique quoi? Mais ça implique que c'est une sunna de laver de faire les ablutions jusqu'à l'épaule ou autre. Si c'est la parole du prophète, alors celui qui a la capacité de le faire, qu'il le fasse. Là, c'est pas la compréhension de la Bukhariya. Là, c'est la parole du prophète. Ça implique que c'est une sunna, il faut le faire. Tandis que là, vu qu'on prouve que c'est pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, là maintenant, on peut aborder le débat, les différents avis des savants concernant ce sujet. Et c'est là qu'on voit l'importance de ilm al-hadith, même dans le fiqh. Dans la jurisprudence, la science du hadith, c'est important? Oui. Pourquoi? Il se peut que tu t'appuies sur un hadith qui est daif, un hadith qui est faible. Et donc, c'est important de connaître la science du hadith. On continue. Thumma ra'ayna anna al-jumhur. Ensuite, on a vu que la majorité des savants, ils voient que lorsqu'on lave les mains, on doit laver les mains jusqu'au coude. C'est la troisième fois qu'on voit ce sujet. C'est qui la majorité des savants ici? Man hum? Masha'Allah, barakallahu fik. Al-a'imma al-arba'a. Ok, donc l'a'imma al-arba'a, il voit qu'il faut laver les mains jusqu'au coude. Avec le coude. Ok? Qui est celui qui voit qu'il ne faut pas laver le coude? Al-Dhahiriya. Al-Dhahiriya, il voit qu'il ne faut pas laver le coude. Tu laves jusqu'au coude, mais sans le coude. Et donc, ça, c'est un sujet qu'on avait vu précédemment. On continue aujourd'hui avec... Voilà. On va voir. Et donc, Al-Dhahiriya, qu'est-ce qu'ils disent dans ce sujet? Quel est l'avis de Zahiriya? Il faut monter? Qu'est-ce qu'ils disent? Normalement, vous pouvez répondre. Sinon, je ne vous aurais pas demandé. Zahiriya, qu'est-ce qu'ils disent? Il ne faut pas monter. Ils disent qu'il ne faut pas monter. Puisque de toute façon, ils te disent qu'il ne faut pas prendre le coup, déjà à la base. Et donc, Zahiriya, dans cette divergence, on va dire qu'ils sont sortis de la divergence. Déjà parce que pour eux, il ne faut pas laver le coude. Et donc, maintenant, on voit la divergence avec l'imam al-Arba'a. El-Jumhur, la majorité, El-Jumhur, yarawna istihbab italati rasli al-Adou fil wudu. La majorité des savants, des imams al-Arba'a, ils voient qu'il est recommandé de prolonger le membre qu'on va laver. Ils voient que c'est recommandé. وَيَسْتَدِلُّونَ بِهَذَا الْحَدِيثِ Et il s'appuie sur ce hadith qu'on vient de citer, le hadith de Abu Huraira. خَالَفَهُمْ les a contredits? El-Imam Malik. El-Imam Malik, il les a contredits. El-Imam Malik, il dit « La yushra ». La yushra ou ziyada. Il dit « Ce n'est pas permis de dépasser plus que le coude. » On a lavé le coude, c'est bon, c'est fini. Pourquoi? Mais où est le dalil? Quel est le dalil de l'Imam Malik? Le Coran. Ayat al-Wudu. Farsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes. Rappelez-vous le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Inna Allaha farada fara'id. Fala tudayyi'uha. Certes, Allah a rendu obligatoire certains actes, certains éléments. Alors, ne les délaissez pas. Wa hadda hududan. Fala ta'taduha. Et il a donné des limites. Alors ne les dépassez pas. Ils disent al-Malikiya hadha mahdoud. Dans les ablutions, donc, il y a une limite définie par Allah tabaraka wa ta'ala qui est ila al-marafiq, jusqu'au coude. On ne dépasse pas cette limite. Et c'est aussi un des deux avis de l'imam Ahmed. L'imam Ahmed, il a les deux avis qui ont été rapportés de lui sur ce sujet. Comment on répond alors au hadith de Abu Huraira? Parce qu'il y a quand même le hadith de Abu Huraira dans lequel Abu Huraira il dit Inna ummati yuda'una yawm al-qiyamati ghurra muhajjalina min athar al-wudu. Ma communauté seront appelées au jour du jugement avec une blancheur et une lumière au visage et aux membres par la cause des ablutions. Comment on répond à ça? On répond il n'y a pas en cela une preuve qu'il est permis de prolonger le mandat. Ce hadith-là, il nous montre juste que les membres que nous avons mouillés, que nous avons lavés pendant les ablutions, seront éclairés et blanchis yawm al-qiyama. Mais cela ne veut pas dire que tu dois dépasser les limites. Non, les membres qui ont été lavés et qu'il est légiféré de laver, ces membres-là seront éclairés et blanchis au jour du jugement. Thumma qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam tablugh al-hilyatu min al-mu'mini hayth yablugh al-wudu. Aussi, on a la même parole, on a la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la blancheur et la lumière de ma communauté parviendra à l'endroit où l'ablution s'arrête. Cela ne veut pas dire que tu dois dépasser la zone pour prolonger cette blancheur. Non, cela signifie que cette blancheur sera là et délimitée par la zone des ablutions. Est-ce que c'est compris? C'est bon? Taïb, mais il y a un point important, les frères. Il y reste un dernier point très important. Un dalil utilisé par le Jumhur. Toujours avec Abu Huraira. Hein? Lui, il l'a fait. Lui, il l'a fait. Barakallahu fik. On a toujours un point essentiel. El Coran. Wa Sunna. Avec la compréhension des Sahaba. Parce que ce sont eux les élèves du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont eux qui comprennent le mieux le Coran et la Sunna. Taïb, on dit quoi? Vous nous dites à chaque fois le Coran, wa Sunna, la compréhension des Salaf et l'Umma, etc. Qu'est-ce qu'on dit là? Ijtihad. Et donc on va dire ijtihada wa akhta. Abu Huraira, il a fait un ijtihad, il a fait un effort. Mais il s'est trompé. Et d'ailleurs, les autres compagnons n'étaient pas forcément d'accord avec lui en cela. La preuve, c'est quoi? C'est que Abu Huraira, radiallahu anhu, il se cachait pour le faire. Il se cachait pour faire ses ablutions comme cela. Comme cela a été rapporté dans le recueil de l'imam muslim, selon Abu Hazim, qui dit Kuntu khalfa abi hurayrata radiallahu anhu, wa huwa yatawadda'u lis-salat. J'étais derrière Abu Huraira alors qu'il faisait ses ablutions pour la salat. Et donc Abu Huraira, il ne le voyait pas. Il faisait ses ablutions pour la salat. Il dit j'étais derrière lui. فغسل يديه حتى رفع إلى الإبط إلى laver ses mains jusqu'à arriver où? Aux aisselles. Jusqu'à arriver aux aisselles. Alors il lui a dit, Ya Abu Huraira, ma hada al-wudu? Oh Abu Huraira, qu'est-ce que c'est que cette façon de faire les ablutions? Abu Huraira, il a dit, Ya Beni Farrukh, antum hauna, law alimtu annakum hauna, ma tawadda'tu hada al-wudu. Oh Beni Farrukh, vous êtes là? Si je savais que vous étiez là, je n'aurais pas fait des ablutions comme cela. Je n'aurais pas fait des ablutions comme cela. Et donc, cela nous montre que Abu Huraira ne faisait pas les ablutions comme ça devant tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous, il y a une règle importante à comprendre dès aujourd'hui pour les autres divergences qu'on va voir dans le fiqh, c'est meta yakunu qawlu wa fi'lu as-sahabi hujjatan. Quand est-ce que la parole ou l'acte du compagnon est une preuve? Quand est-ce que la parole ou l'acte du compagnon est une preuve? Idha lam yukhalif ad-dalil min al-kitab wa sunnah. Premièrement, si il n'est pas en contradiction avec une preuve du Coran et de la Sunnah. Un compagnon, il dit ou fait quelque chose qui est en contradiction avec le Coran et la Sunnah. Est-ce que c'est une preuve? Non. Pourquoi? On prend le Coran et la Sunna. C'est la base. Deuxièmement, si sa parole n'est pas en contradiction avec le Coran et la Sunna, mais qu'il y a un autre compagnon qui a un autre avis, qui contredit cet avis, et que les deux avis ne sont pas en contradiction avec le Coran et la Sunna, à ce moment-là, on regarde lequel des deux est plus proche du dalil. Et donc, pour que sa parole soit une preuve, il ne faut pas qu'il y ait d'autres compagnons qui l'aient contredit. Et ici, on a Abu Huraira radiallahu anhu. Premièrement, cette méthode de faire des ablutions, elle est contraire à ce qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et contraire à ce qu'il a cité dans le Coran. Et il se cachait pour faire ses ablutions, il ne l'a pas fait devant les autres compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela donc nous suffit pour dire que l'avis le plus juste dans ce sujet est l'avis de Al-Jumhur. Al-Jumhur? Malik ou Al-Jumhur? Malik? L'avis de l'imam Malik. Tayyib, on va arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. Et excusez-moi juste, dernière chose, avant de vous laisser, on voit aussi dans ce hadith l'importance de la prière. Et les bienfaits de la prière. Pourquoi? Parce que le wudu, shartun min shurut as-salat. Les ablutions sont juste une parmi les conditions de la prière. Wanzuru hadha thawab liman qama bil wudu. Famadha naqulu biman qama bis salat. Et donc, regardez cette récompense qu'il y a pour la personne qui fait ses ablutions, alors que les ablutions ne sont qu'une des conditions de la salat. Alors, que dire de celui qui fait la prière entière? Regardez donc cette récompense pour les ablutions, les membres des ablutions qui sont éclairés et blanchis. C'est pour ça que il a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Sahih Muslim, qu'il a dit « Es-salatu nourun ». La prière est une lumière. La prière est une lumière. Et donc on remercie Allah tabaraka wa ta'ala pour ce bienfait qu'il nous a accordé et qu'il nous place parmi ceux qui accomplissent la prière. Fil jama'a, en groupe, à la mosquée. Quel grand bienfait venant d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc on va arrêter là pour aujourd'hui et la semaine prochaine, on va commencer un nouveau chapitre, bi'idnillahi ta'ala, puisqu'on a fini le chapitre, le premier. Le prochain chapitre, donc, concernant la purification après l'accomplissement des besoins. Wa faqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.